Marie Marion par Jules Claresy. Et moi aussi j'ai chanté la chansonnette, Mademoiselle Marion Gervais, dit le général C. Ils étaient seuls dans le petit boudoir où la divette, avant de quitter l'hôtel de l'Auberchal, se reposait, autant s'élongant, respirant un peu, et voulant être seule après le grand succès qu'elle venait de remporter dans ce salon mondain. Elle regarda le général en riant. « Comment vous, général ? Racontez-moi cela. » « Figurez-vous qu'un soir, à Toulouse, j'étais sous-lieutenant de chasseurs à pied. Je regardais une famille de pauvres gens qui jouaient du violon sans faire le sou, sans qu'on les écoutât même. Ils avaient l'air si tristes, si navrés, que ma foi, en pleine place du Capitole, je me mis à attaquer la roman de Lucie, puis l'air de Charles VI, et amasser le monde. Et quand j'eus fini, vite de tendre mon képi, pour une pauvre famille de chanteurs, s'il vous plaît, et de verser entre les mains des pauvres gens ébahis les pièces de cuivre et même les pièces blanches qu'on avait données au sous-lieutenant. Puis de me sauver, vous comprenez. Eh bien, voyez-vous, ce souvenir de jeunesse m'est resté cher comme un joli rêve. Je comprends qu'on donne son talent, quand on en a, à ceux qui souffrent. Vous a-t-on conté l'histoire de Desjazet, entendant des ouvriers chanter la Lisette dans une goguette de la rue et entrant leur disant « Mes enfants, ce n'est pas ça du tout. Je vais vous chanter ça, moi, Desjazet, et le faisant. » Je parie que vous avez des souvenirs de ce genre-là. La divette sourit, regarda le général et dit gentiment « Vous gagneriez le pari, général, comme une bataille. » Alors, voyons ce souvenir, pendant qu'on officie là-bas, sur l'hôtel de Wagner. « Eh bien, général, dit Marion Gervais, mon souvenir le plus curieux ou le plus touchant, comme vous voudrez, c'est celui de mon début à l'Alhambra d'été. Oh, il est tout frais. Il date de 15 jours. Du dernier jour de mai. Débuté en plein air, chanté en plein banc. J'étais très inquiète. J'avais pris l'habitude des salles closes, des cafés-concerts où la voix porte, et le brouillard même, la poussière de ces tabagies me plaisait. Quand je pense, mon cher général, que moi qui vous parle, j'avais rêvé de jouer Célimène, d'agiter l'éventail de Mademoiselle Mars. Oh, l'ambitieuse! Là-haut, à Montmartre, je regardais Paris, du haut de la butte, et je me disais, dans ma petite tête de 15 ans, il y a une place pour moi là-dedans, une place de grande comédienne. Et toutes mes chimères m'avaient conduite, après avoir été refusée au conservatoire, à jouer les utilités dans les revues de fin d'année, aux variétés, où on me trouvait trop maigre, et où on m'appelait la laryngite, à cause d'un enrouement. Là, j'en ai eu des crèves-cœurs. Un soir, comme je sortais du théâtre, triste, triste à me demander si je n'allumerais pas un réchaud, voilà que j'entends deux petites femmes prononcer en marchant le nom d'une chanteuse, aujourd'hui morte, et qui gagnait, disait-il, des 1000 et des 100 dans un concert du Faubourg Saint-Denis. Et pas l'ombre de talent, ma chère. Au théâtre, on n'en voudrait même pas. Ça me parut drôle. Ces paroles, entendues par hasard, il me semblait qu'elles avaient été dites pour moi. Puisque le théâtre n'eût pas voulu, la chanteuse applaudit. Pourquoi le concert ne vaudrait-il pas de moi que le théâtre faisait souffrir ? Toute la nuit, je pensais à cela et le lendemain, j'allais droit au café du Faubourg. Je demandai le directeur. Je lui chantai un couplet qu'on m'avait coupé dans la revue des variétés. Il le trouva drôle et, zeste, me voilà engagé. Comment ai-je réussi là-bas ? Je n'en sais rien. Peut-être parce que j'étais maigre et longue et drôle, avec des cheveux que j'ébouriffais et des gants blancs montant jusqu'à l'épaule, pour faire pendant aux gants noirs d'Yvette. Peut-être à cause de ma fameuse laryngite, qui parut amusante, originale, est-ce qu'on sait. Au concert, il vint des journalistes, des dessinateurs. Ils trouvèrent piquant d'inventer une étoile. On me dessina, on m'intervieva, on me biographia. À la fin de l'hiver, j'étais célèbre, et lorsqu'à la réouverture, je me montrai dans ce costume que vous avez vu sans doute sur les murs de Paris, caraco jaunâtre, jupe noire collante, coiffé en cheveux et autour du cou un foulard rouge, pâle, traînante, les mains dans les poches. Ou alors, général, ce fut du délire. Je créai un genre, le genre mauvais genre, la parisienne peuple, l'enfant de la rue, la rôdeuse. Et vous allez rire, les journaux socialistes déclarèrent que j'avais trouvé la note moderne, poignante, le cri des souffrances en cette fin de siècle. Ah, ils m'en ont fait chanter des chansons lugubres, ils peuvent s'en vanter. Des refrains où l'on entend tous les râles et toutes les colères. Tantôt c'est une malheureuse qui demande l'extrême onction à Saint-Lazare, tantôt une pauvresse qui tousse en chantant au coin d'une rue. C'est là qu'il m'a servi mon enrouement. Ma laryngite, c'est ma carrière. Mais le plus drôle, c'est que ma voix s'était guérie et qu'elle était devenue superbe. Je pourrais au besoin chanter une Valkyrie. Mon plus grand succès, ça a été le coup du père François. Une scène réaliste où je contrefais, en les parodiant, les appels désespérés d'un bourgeois attaqué par les rôdeurs de nuit. Elle fit tant d'effet, cette chanson-là, qu'elle devint la chanson type, on la redemanda partout, on la refit sous toutes les formes, et Clara Gigolette, celle que je viens de chanter pour la princesse, cette Clara qui dit à Galurin « Voilà le pente, appelle ton surin !» Clara Gigolette, que tout Paris chante à m'en assourdir moi-même, est née du coup du père François. Le pente, général, c'est la victime qu'on attend, le surin, c'est le couteau du rôdeur. « je sais, dit le général C. Il faut aujourd'hui apprendre l'argot, comme autrefois le latin. Ah, j'en suis loin de Célimène, avec Clara Gigolette, ou avec une soirée dans le monde, aïe aïe aïe, je vais dans le monde, aïe aïe aïe, et je sens l'ail. Mais enfin, cela plaît, chacun fait ce qu'il peut. Je ne peux pas débiter du Molière, je vends de la Gigolette. En veux-tu, en voilà. Et à ce métier, je suis populaire. On se me dispute chez les banquiers, on m'offre le poteau en Amérique, comme si j'étais Rachel, mieux que si j'étais Rachel ou Mademoiselle Mars, et je fais fortune. La petite Montmartreuse souffroteuse chante chez des duchesses qui lui remettent le prix d'une chanson dans un portefeuille à son chiffre. Eh bien, général, tout cela me fait l'effet d'un rêve. Je me dis, cela durera-t-il? Est-ce que c'est toi, ma petite Marion, cette Marion Gervais, dont la photographie est partout, à côté de celle de Bismarck et de M. Gladstone? Et j'ai la peur de voir tomber tout à coup ce beau château de cartes. Aussi, tenez, l'autre soir, lorsque j'ai quitté le concert du Faubourg pour débuter à l'Alhambra des Champs-Élysées, d'avance je tremblais, oui je tremblais, comme la feuille. Un nouveau public, une nouvelle scène. Les Parisiens les plus difficiles, ceux qui vont au concert d'été comme ils iraient un mardi de la comédie. J'avais des envies folles de rompre mon engagement, de retourner au nid plein de fumée d'où j'étais sorti. Et c'est là que se place le souvenir dont je vous parle et qui me suivra toujours. Une dernière fois, le 31 mai, je débutais le soir même. J'étais allé à l'Alhambra étudier la scène, la porte d'entrée, la façon de paraître et de saluer, et je sortais, regardant à travers les arbres le petit théâtre en plein vent, tout blanc, dans les arbres verts où j'allais me montrer le soir. Je regardais devant l'entrée, sous les marronniers, la double rangée d'affiches aux couleurs tapageuses qui formaient jusqu'au portique une haie de clowns et de pitres, et moi, en Clara Gigolette, grandeur nature, la tignasse ébouriffée et le foulard au cou, pâle, misérable, terrible, ma parole, terrible. Deux ouvriers gaziers, montés sur une échelle double, posaient au-dessus du portique d'entrée les lettres de gaz qui devaient faire flamber là mon nom dans quelques heures. Ils faisaient tourner et vissaient chaque lettre sur chaque bec allumé et j'appelais instinctivement le nom comme si c'eût été celui d'une autre. M-A-M-A. Rion. Marion, Marion Gervais. Était-ce drôle tout de même, et je restais là, en songeant aussi que ce soir-là, ce n'était pas tout de brillant lettre de feu. Il fallait encore briller crânement devant le public. Et voilà qu'en me retournant pour partir, j'aperçus, debout comme moi, épelant comme moi ses lettres, une à une, un prêtre, un vieux prêtre en cheveux blancs, que je reconnus tout de suite et qui était l'abbé Chambaudouin, le vicaire de Saint-Pierre-Montmartre, celui qui m'avait fait le catéchisme là-haut. Autrefois. L'abbé Chambaudouin était étrange. Le vieux vicaire que je n'avais jamais revu depuis tant d'années et que je retrouvais là, le jour de mes débuts, devant le tire-l'œil de ses affiches. Il avait vieilli mais n'avait pas beaucoup changé. Toujours cette bonne figure douce, souriante, ses cheveux blancs très longs, qui faisait dire à grand-maman « Il ressemble à Béranger. » À Béranger que j'ai vu à Montmartre, venir dîner chez la mère Saguet avec M. Thiers et M. Charlet. Si bien que ce bon abbé Chambaudouin, avec maman et papa, nous l'appelions sans qu'il le sût l'abbé Béranger. Non, il n'avait pas vieilli. Un peu plus voûté dans sa longue soutane usée et s'appuyant peut-être sur une canne un peu plus forte. Toute mon enfance revivait dans ce prêtre que j'apercevais là, tout noir, sur le sable gris rosé de l'allée. Le vieil abbé. C'était lui qui m'avait donné à mes parents très pauvres de quoi m'acheter mes gants et mes bottines de communiante. Bon comme le pain, l'abbé Chambaudouin. Et le sort l'amenait là, un jour comme celui-là, et j'avais envie de lui dire « Bénissez-moi, monsieur l'abbé, car je débute ce soir. » Non, je n'aurais pas osé le lui dire, mais le saluer, lui demander de ses nouvelles, oh, cela, oui, j'allais l'oser. Je m'approchais. Il ne me voyait pas. Il regardait les ouvriers gaziers qui étudiaient si les lettres s'adaptaient bien, sans fissure. Alors je l'appelai par son nom. Je le saluai respectueusement et je lui dis, très très ému, « Vous ne me reconnaissez pas, monsieur l'abbé ?» Il avait ôté son chapeau, voyant une belle dame lui parler, et je revis sa tête blanche, qui nous dominait comme celle d'un patriarche du catéchisme. « Je vous demande pardon, madame. Non, je ne crois pas, je ne sais pas. Marie Gervais, monsieur le vicaire, la petite Marie Gervais, de la rue des Abbesses. Hein, c'est vous ?» Il avait hésité un instant. « C'est vous, mon enfant ?»« Oui, monsieur l'abbé. Et bien changé. » Il regardait à présent ma robe bleue garnie de dentelles, mon chapeau tout couvert de plumes. « Changé, oui, c'est vrai, mon enfant, changé. Mais toujours la même, monsieur le vicaire, et reconnaissante des bontés d'autrefois. Marie ou Marion, je suis toujours la petite Marie. Marie Marion, dit le vieux prêtre étonné. Et ses bons yeux, sous leurs paupières ridées, allèrent vers les grandes lettres que les gaziers avaient achevé de poser. « Oui, monsieur le vicaire, c'est moi. Vous n'auriez jamais deviné lorsque je chantais des cantiques. » Jamais je n'oublierai le regard surpris, un peu triste d'abord, puis souriant, indulgent. Je vais dire une bêtise, général, presque orgueilleux. Du bon abbé, il hochait la tête, il frappait le sol de sa canne, il disait « Marion Gervais ». C'est vrai, j'aurais dû deviner quand je lisais dans le petit journal « Marion Gervais ». Il aurait dû me frapper ce nom. Vous aviez la folie. Je dis « la folie du théâtre » et votre mère me le répétait. Pauvre femme, elle voulait faire de vous une ouvrière comme elle. « Enfin, murmura-t-il, la vie dispose souvent des êtres malgré eux. Il y a une part de hasard dans la providence, je veux dire. » Il essayait de s'expliquer, me regardait toujours. Et moi, muette, je l'écoutais, entendant le murmure d'un jet d'eau tout à côté, accompagner les paroles du prêtre. Puis, doucement, autour du bassin, nous marchions, lui me racontant sa vie, moi n'osant pas trop lui parler de la mienne. Elles avaient passé les années, et il était toujours vicaire, là-haut, à Saint-Pierre. Monsieur le curé était très vieux, mais il était toujours là, disant sa messe. Il officierait encore ce soir pour le dernier jour du mois de Marie. Bien souvent, on avait offert à Monsieur Champbaudouin de quitter Montmartre, de prendre une cure à Belleville ou à Batignolles. Il n'avait pas voulu, il aimait son Montmartre. Le malheur, c'est qu'il y avait là-haut, comme partout, beaucoup, beaucoup de pauvres, et qu'on ne pouvait pas consoler, aider toutes les misères. Ah, si les malheureux se résignaient! Mais il est facile pour ceux qui ne souffrent pas de prêcher la résignation aux autres. On m'accuse parfois d'être socialiste, moi, le croiriez-vous, mon enfant ? Dit le vicaire. Mais en l'écoutant parler de ce mois de mai qui, ce soir-là, finissait, en entendant ces mots, le mois de Marie, une idée m'était venue. « Ah, monsieur le vicaire, si vous vouliez !»« Quoi donc, mon enfant ? Me dit le brave homme, voyant que je m'arrêtais et que je n'osais pas. « Ces pauvres, vos pauvres, si vous me permettiez de leur faire une aumône, « Écoutez, ce soir je chante ici pour les désœuvrés et les riches. Laissez-moi chanter là-bas, chez vous, pour les malheureux. »« Je n'ai pas oublié la Ave Regina Caelorum. À l'Alhambra, ce sera Marion. À l'église, ce sera Marie. Et il me semble que le cantique de Montmartre portera bonheur à la chanteuse des Champs-Élysées. » Le vieil abbé resta un moment sans me répondre. Puis de sa voix lente, « Il y a un peu de superstition dans votre idée, ma chère fille, me dit-il. » Il faut faire le bien non pour le bonheur qu'il peut rapporter, mais pour le bien lui-même. Quoi qu'il en soit, ce que vous m'avez dit part du cœur. J'annoncerai à monsieur le curé que ce soir, une chanteuse chantera, et que c'est Marie Gervais, sa communiante de... quelle année ? Oh, je ne suis pas coquette, de 1864. Et Marie Gervais chantera bien, je vous le jure, monsieur l'abbé, pour que la quête soit fructueuse, et que les pauvres aient leur part. D'ailleurs... « Voulez-vous me permettre de vous envoyer d'avance le cachet de mon début de ce soir ici, votre cachet ? Si ce n'est pas vous priver trop, bon, 1500 francs sont vite gagnés. » Il hocha plus que jamais la tête, le pauvre abbé. 1500 francs. En un soir et pour chanter Clara Gigolette. « Allons, mon petit galurin, je suis contente, la lepente. Allons, mon petit galurin, vite, apprête ton surin. » Je quittai l'abbé Champbaudouin enchanté, et j'étais heureuse. Je lui avais dit à ce soir. Marion Gervais débutait à 10 heures. Le mois de Marie finissait à 9. Marie Gervais avait le temps de chanter son cantique avant d'entrer en scène. Ah, je vous le dis, j'étais contente, contente. J'avais envie de reconduire le vicaire dans mon coupé, mais je n'osais pas. Je le vis s'éloigner, traînant le pas, sous les marronniers où les ifs verts des polis qui me riraient ce soir faisaient des taches blanches. Tout ce 31 mai, un mercredi, je le passais à fredonner, me sentant gai, utile, rajeuni. Marie Marion. J'avais envie de prendre ce nom à l'avenir, et la fillette croyante que j'avais été revivait dans la boulevardière que je suis. C'était délicieux. Le soir, à l'heure du service, j'étais là, laissant mon cocher devant l'église et l'organiste, prévenu, m'attendait avec le bon vicaire pour me conduire à la tribune de l'orgue devant l'autel que j'aperçus tout illuminé, comme les ifs des Champs-Élysées, au bout de cette vieille église aux pierres grises où j'avais tant prié enfant. Elle était pleine de monde, la vieille église, et là-bas, devant moi, sur une grande draperie bleue de ciel, des étoiles en paillon étincelaient comme un pan de ciel encadrant une statue de Marie au rayon d'un nimbe où les lettres étaient tracées. Ave Maria. Je me mis à genoux et je priais. Oh, je priais longtemps, jusqu'à ce que l'orgue chantât et que l'organiste, doucement, à l'oreille, comme le régisseur tout à l'heure, me dit « Cela va être à vous, madame, pour le solo. » Alors je me relevais, et pendant que l'orgue accompagnait la voix des enfants de chœur, je regardais de là-haut la vieille église toute remplie de monde, avec ce grand fond tout illuminé, là-bas, les cierges qui brillaient, et faisaient comme une couronne à la statue de la Vierge toute blanche et les mains jointes. C'était tout blanc, cet autel, barré de fleurs artificielles, auprès desquelles il y avait toutes fraîches d'énormes touffes de fleurs vivantes, blanches aussi, ces fleurs toutes blanches comme la statue de Marie, comme les cierges, comme le surplis des enfants de cœur, comme l'aube du prêtre et comme les cheveux blancs du vieux curé, qui officiait à cette même place où j'avais communié jadis. Alors, tous mes souvenirs d'autrefois, mon enfance triste, mes frissons de petite fille quand j'entrais là et que je prenais l'eau bénite dans les vasques de pierre, près du pilier gris, les longues, longues messes du temps passé, tout me revenait, me prenait au cœur. J'avais peur de ne pas pouvoir chanter tout à l'heure, quand le cœur se tairait. Je me revoyais assis sur la marche du confessionnal de chêne, qui portait peut-être encore le nom du prêtre à qui j'avais conté mes pauvres petits péchés d'enfant. Il me semblait que moi aussi, dans toute cette blancheur des fleurs, des nappes, des surplis, de l'autel, j'étais redevenue toute blanche, dans ma robe de communiante que maman, la chère maman, avait passé la nuit à coudre. Je me revoyais avec mon long voile, mes gants de fil et le petit livre de messe en velours bleu de ciel cerné d'argent, que m'avait donné une vieille dame veuve qui demeurait dans la maison et aimait à peigner mes cheveux blonds en souvenir d'une fille de mon âge qu'elle avait perdue. Et mes tremblements devant la prière, mes terreurs et ma foi au temps du catéchisme, les cantiques que je chantais jadis, les prières oubliées que je n'avais jamais redites, c'était comme une bouffée de quelque chose de respiré autrefois qui me revenait, et c'était très doux, et ça me donnait envie de pleurer. Comment, au moment voulu, lorsque ce fut à moi de chanter le solo, me mis-je en effet à chanter sans que l'organiste ni personne eût même besoin de me faire un signe? Je ne sais pas. Mais je fus comme étonné moi-même d'entendre ma voix monter sous la voûte, un peu tremblante. Ma voix, mais si émouvante et, je rirais volontiers du mot, si pure et si inspirée, que dans la foule, des têtes se retournèrent, levant les yeux du côté de l'or pour voir là-haut, qui pouvait bien chanter ainsi. Une sœur, une bonne sœur, le front penché jusque-là sur son paroissien, regarda même la curieuse du côté de la tribune, car je voyais tout, j'entendais tout, et cependant il me semblait que ce n'était pas moi qui chantais là, qui faisait monter ce Salve Regina jusqu'aux voûtes, où il y a 16 ans je poussais, de ma petite voix grêle de communiante, le Saint-Esprit descendait en nous. Oui, ce Regina, c'était une autre qui le chantait, une autre que j'écoutais, et dont la voix profonde, avec des accents mouillés, allait m'amener des larmes. Pauvre bon monsieur Champbaudouin, il ne sait pas quelle émotion il m'a donnée. Mais ce fut bien pire lorsque, dans la fumée de l'encens, le prêtre se leva, dressant au-dessus des têtes courbées l'ostensoir, avec son hostie au milieu, toute blanche, rendue transparente par la clarté des cierges qui brillaient derrière. Cette fumée sortant de l'encensoir, qui faisait entre les mains de l'enfant de cœur une tache rouge, une tache de feu, elle me rappelait la fumée des tabagies, où j'avais chanté et rechanté tant de refrains qui n'étaient pas des cantiques. Et la tache de feu de l'encensoir, c'était, dans cette fumée sainte, sacrée, jolie à voir comme un fin nuage de printemps, c'était le souvenir de ces rougeurs de pipe et de cigares qui trouaient l'autre fumée, celle du café-concert. Je m'étais mis à genoux, comme tous ces croyants, devant l'hostie. Ah, cet ostensoir éclatant sur le front bleu des draperies, ces cheveux blancs du prêtre, cette foule immobile, ces bas-côtés plus sombres où la lumière du dehors entrait encore, avec un brin de jour ou une caresse de nuit claire. Si je savais dire ce que je ressentais à ce moment-là, le théâtre, le tapage, les planches, les bouquets, les bravos, tout me semblait loin, si inutile, si vain, si bête. On a de ces minutes de renoncement qui ne dure pas heureusement. Il faut bien vivre. » Le prêtre abaissa l'ostensoir. L'orgue joua une marche et alors doucement, ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui avaient assisté comme moi au dernier jour du mois de Marie, de se retirer, de s'écouler, ruisseaux sans bruit, cœurs très simples, de très vieux ou de tout petits, qui emportaient un peu de foi, grâce au prêtre et, qui sait, grâce à mon Salve Regina, un peu de poésie. J'attendis que le dernier soupir de l'orgue finît, comme le râle de quelque chose qui mourait, d'une sensation achevée, perdue. Et le gosier serré, je descendis. Le grand air sous le porche me fit du bien. Le ciel brillait, criblé d'étoiles, comme la tenture de l'église tout à l'heure. Il y avait autour de moi des fillettes en robe sombre et en petits chapeaux de paille noire que des religieuses alignaient deux par deux comme autrefois, quand je revenais ainsi du mois de Marie et que nous rentrions chez les sœurs. Je les suivis jusqu'à la place du tertre, où les acacias de mon enfance sont toujours verts, puis je les laissais s'éloigner vers la rue qui descend, disparaître. Peut-être serais-je resté là, sous les acacias, longtemps, longtemps, tout troublé et étonnant les passants, je pense. 9 heures. L'horloge de l'église Saint-Pierre me rappela à moi, et la lampe d'été. Près d'un débit de vin de la rue du Mont-Cenis, François attendait avec le coupé. « Aux Champs-Élysées, vite !» Il fouetta le cheval. J'aperçus en contournant l'église nouvelle qu'on bâtit, une sorte de mer trouée de lumière, en bas, très loin. Paris. Puis plus loin encore, la banlieue, dans la nuit très claire. Il me semblait que je voyageais dans un pays inconnu, lointain. Et cependant, ce coin de Paris, c'était celui où j'avais passé mon enfance. Me reconnaissait-il? Je ne le reconnaissais pas. Et au pied de la rue Caulaincourt, en passant le pont jeté sur le cimetière, il me semblait que les monuments de pierre qui dominaient là le chemin me regardaient. Il y a une tombe parmi toutes celles-là où dorment mes vieux disparus. Ou plutôt non, il n'y a pas de tombe, celle-là qu'on les a portées, papa et maman, mais dans la fosse commune, où se couchent les pauvres. Quand ils sont morts, je n'avais rien au monde. Quand j'ai eu de quoi leur acheter un monument, ou retrouver le reste, pauvres gens. C'est à eux que je pensais du fond du coupé, en revoyant ce cimetière. La vie me reprit autour de roues suivant, place Clichy. Le gaz, le bruit, le mouvement, les omnibus. Sur un grand mur, très éclairé, l'affiche, l'immense affiche que l'abbé Champbaudouin avait en regardé, moi, en robe collante, coiffée en cheveux, et le mouchoir rouge autour du cou, et sur un transparent de lanterne magique au-dessus d'une boutique, pour arrêter et amuser les passants, mon nom, début de Marion. Et j'avais peine à me persuader que cette Marion, c'était moi, qui tout à l'heure encore m'était retrouvée Marie, la petite Marie du bon vicaire. Je n'arrivais pas en retard à l'Alhambra d'été, mais tout juste. J'avais aperçu en descendant du coupé mon nom écrit au gaz en grosses lettres gigantesques, brillant dans le vert des arbres, sous les étoiles, ces mêmes étoiles qui souriaient au départ des fillettes et à l'entrée des filles. J'entendais, du fond de ma loge, le grondement sourd de tout ce public accouru. Il me semblait que je venais de faire un rêve. Je me déshabillais en répétant encore tout bas, machinalement, quelques notes du Salve Regina. Et je passais ma robe de laine, j'ébouriffais mes cheveux, je nouais autour de mon cou le mouchoir rouge. En revoyant encore la vision blanche et bleue, les fleurs, la tenture, les étoiles d'argent, l'ostensoir d'or, l'hostie. Une grande clameur, des bravos, quelque chose comme le bruit de la mer. C'était mon nom qu'on insérait dans la pancarte pour annoncer que j'allais paraître. « Allons, » dit mon directeur, « il y a des étoiles au ciel. Il en manque une sur la scène. » Il avait préparé son madrigal. Je montais. À travers la porte du petit décor, j'aperçus des milliers de têtes, des chapeaux clairs, des traînées de gaz, des rangées de verrières blanches pareilles à d'immenses colliers de grosses perles. Je vis le restaurant flambant de feu, la terrasse regorgeant de monde, de jeunes gens, de filles de Rastaquère. Adieu, Regina. Je fis le signe de la croix, oui, le signe de la croix, ne riez pas. Dans un silence qui allait se changer en tonnerre d'applaudissements, j'attaquai la chanson de Clara Gigolette. Allons, mon petit galurin, je suis contente, la lepente. Allons, mon petit galurin, vite, apprête ton surin. Et vous expliquerez ça comme vous voudrez. Pendant que je chantais, je ne savais pas ce que je disais. J'étais à 100 lieues de l'Alhambra. de Clara Gigolette et du Café Concert. J'étais toute petite, en robe de communiante, dans la vieille église au mur gris, et je croyais encore dire, comme tout à l'heure, un cantique à la Vierge Blanche. Je n'ai jamais, jamais mieux chanté que ce soir-là. Mais j'ai assez fait de psychologie et pioché mes souvenirs ce soir. Je me sauve. Bonsoir, général. C'était Marie Marion par Jules Claressy.